parece vinda do passado, mas na qual nos revemos e da qual também fazemos parte. É um tema inspirado nas histórias reais de quem as viveu desta forma e fala-nos da expectativa do momento aguardado, de amor, do que foi e do que ainda é. Aos Olhos da Aldeia, cruza elementos da música de raiz portuguesa com sons contemporâneos. Para ouvir agora, os Lobo Mau. Posto de escuta. Sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous bien? Eh bien, si vous avez suivi l'émission la semaine dernière, vous savez que ce soir c'est un petit peu spécial puisque j'ai deux invités. Et vous, j'imagine, vous savez donc de quoi on va vous parler. Et puis sinon, on va vous le dire tout de suite. J'ai deux invités qui sont donc des habitués d'Electric Shock et de Radio Arc-en-Ciel. On a le Chris de groupe Prisma et le Squall de Broken Arms, ce groupe que je croyais faisant partie de nos chers disparus mais que je vois qui est toujours là, bon pied bon œil. Et donc ils sont là pour nous parler donc de leur activité scénique, discographique, et en même temps Chris organise un concert, donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière, samedi soir à Cléry-Saint-André, et ben on va vous parler donc de tout ça et de plein d'autres choses bien évidemment. Donc ce soir, je n'aurai qu'une seule nouveauté à vous proposer, et encore, ça va dépendre comment l'émission va se goupiller, parce que vu les joyeux drilles que j'ai en face, on sait jamais, voilà. Ça va les gars, comment allez-vous bien? Comment tu vas? Super bien, impeccable. Ah, t'as monté le son du micro, là c'est mieux. Je m'entends bien là, c'est où? Ouais, impeccable. Je vous avais pas encore branché, c'est tout. Ah bah voilà. Depuis tout à l'heure, je m'y suis mis cosy dehors. Tout à l'heure, il arrête pas de parler et en fait, on l'entendait pas. Bon, je recommence. Non, non, c'est pas... Non, non, ça va super bien, Christophe. Nickel. Super. Non, mais je suis très content de vous recevoir une fois de plus et surtout de voir que, bon, visiblement, comme la situation sanitaire semble s'améliorer, enfin je dis bien semble entre guillemets, et que maintenant on peut avoir une vie culturelle à peu près, un peu plus normale, on va dire. Et bah, dans notre style musical, debout, voilà, déjà. Ça limitait important. Beaucoup, quoi, c'est clair. C'est ça. Donc, on va commencer tout de suite avec, ouais, du méchant quand même, un groupe que je vous ai présenté la semaine dernière qui s'appelle Except One, qui nous vient de la région parisienne. Genre trash def à voix féminine, mais très burnée, on va dire, voilà. Bon. Féminine, burnée. Voilà, oui. Bien sûr, Christophe, oui, oui. Mais en ce moment, comme on parle de choses beaucoup genrées, voilà. C'est vrai, t'es dans l'actu. Voilà, c'est tout bien, à fait. C'est bien. Avec un obus dans le. Voilà. Restons polis. Non, stop. On commence pas, hein. Ah oui. Donc, on va tout de suite commencer avec un morceau qui s'appelle Silent Scream. Yeah. Bon, vous avez travaillé un petit peu là, c'était quoi? Ah bah ça c'est un cover de Pretty Maids, mais qui tue sa race. Ouais, et c'est qui? Ah voilà. Donc Back to Back, c'était donc c'est Arch Enemy. Non. Arch Enemy sur son album de reprise qui était sorti en 2019. Ah ouais. Cover d'Into. Moi je te l'avais dit que c'était une femme qui chantait. Non, tu ne m'as pas dit. C'est pas vrai. Enfin, je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais en tout cas ils étaient déchaînés pendant tout le titre, ça c'est clair. Ah non mais franchement, super bien. Vraiment cul, hein. Il y a pas. Ah bah là, ouais. Super bien. De toute façon, Arch Enemy c'est un groupe vraiment exceptionnel. Sur scène, c'est une tuerie. Bah vu au Hellfest, il me semble. Oui, si. Tu les as vus? Oui, il me semble. Pas moi. Bon. Et puis Pretty Maids, on peut souhaiter un bon rétablissement à Ray Atkins, mais qui va sortir un deuxième album solo. Ouais. Bah, ça prouve que ça doit aller pas trop mal et qu'il a la pêche et le moral. Je suis tant mieux. Il faut de la volonté, hein, quand même. Hein. J'imagine, oui. Avec ce qu'il a subi, mais bon. Ouais, non. Qu'on a vu sur scène. Aussi, ouais. Super bon concert. Alors, Pretty Maids, on y était ensemble d'ailleurs. Oui. Oh, pardon. comme quoi, on se connaît un petit peu. Voilà, quoi. Il y avait trois personnes, mais je me souvenais plus. Mais comme quoi, on vieillit parce qu'ils s'en rappelaient plus, le Squall. Ah, ouais. La mémoire flanche. Aïe. Juste avant Arch Enemy, donc c'était Except One et son nouvel album Broken. C'était le morceau Silent Scream. Broken. C'était bien aussi. Moi, j'ai bien aimé ça. Except One, ça me plaît beaucoup, ça. Mmh. Ouais, c'est pas mal. Bon, il y a les parties qui sont un peu trop... Un peu trop rentre-dedans pour moi, mais voilà, quoi. Non, c'est bien. C'est propre. Ce qui va suivre, ça, je pense que ça va faire l'unanimité. Hein. C'est la première grosse sortie de l'année 2022, moi, à ce qui me concerne. C'est le 24e album. Ça commence par un S et ça finit par un N. Voilà, tout avec à fait. Une croix au milieu. Voilà, hein, c'est ça. C'est ça, t'as dit, quoi. Ah, bah oui, j'écoute en boucle cet album. Oui. Donc, le nouvel album Carpe Diem de Saxon qui est excellent, il n'y a rien à dire. Pas de surprise, ça non. C'est du Saxon? Voilà, c'est. Du bon Saxon. Mais... Que j'adore, moi. Mm. Personnellement, vu trois fois déjà. Ça. Ah oui, pas jamais. Ah ouais. Jamais toi? Non. Ah. Il passe en octobre. Si tout va bien, oui. Si tout va bien, Chris, sinon. Sois pas pessimiste, Christophe, ça va aller. Ça va aller. T'inquiète pas. On les fera venir à Cléry, sinon. T'inquiète pas. Avec grand plaisir. À Cléry, on reçoit tous les groupes. Il n'y a pas de souci. Qui c'est qu'a Kamichek? Mais ils joueront gratos. Ouais, ouais. Bill Bifford, c'est un pote. Ouais. Oui, on compte sur toi. J'aime bien la France en plus. C'est vrai. Donc on va s'envoyer un petit missile qui s'appelle Supernova. De Tower et leur album Shock to the System, c'était le morceau Hired Gun. Sympa ça. Ils aiment bien Maiden. Ah oui, oui. Hein, on est d'accord. Hein. Encore un de ces groupes qui vraiment est resté scotché sur le début des années 80. Oh. Comme en ce moment, il y en a beaucoup. Quoi. Par contre, eux, ils sont toujours là, plus de 40 ans de carrière, saxons, inoxydables, increvables. Bon. Toujours aussi bon. La preuve, ouais. Carpe Diem qui vient de sortir. Une merveille, comme vous avez pu le constater, avec le morceau Supernova qu'on a eu ce soir. Et bien la suite, bah tiens, Chris, tu vas nous en parler. Parce qu'il y a eu du nouveau depuis la dernière fois que tu es venu nous présenter ton EP. Bah oui, mais ça date un petit peu. Hein. Oui. Mini EP, il date de fin 2020, oui, me semble-t-il. Oui, c'est tout ça. À fait, oui. Voilà, donc il a un petit peu plus d'un an quand même. Eh bien, bah, pendant ce temps-là, évidemment, ne pouvant faire de concert, bah, on en a profité pour composer. Voilà, y a pas mal de nouvelles compos qui sont bien en place maintenant. Donc, y a un projet là, dès qu'on a 5 minutes, de commencer à enregistrer tout ça, mettre ça à plat. Et puis, d'ailleurs, voilà, j'en ai profité pour nos fidèles auditeurs de cette très très bonne radio arc-en-ciel et de l'émission de Christophe Electric Shock. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas un petit nouveau titre quand même, parce que les quatre de ADN, on commence un petit peu à les entendre. Donc normalement c'est Freedom or War, donc c'était peut-être un peu prémonitoire, c'est ce qu'on dit. Oui, quand on voit l'actualité. Il y a quelques mois quand on a attaqué cette compo, mais bon voilà, et puis bon le style, vous verrez bien par vous-même, mais le style change un petit peu. Il y a des compos un peu plus rentre dedans, il y a des compos un peu plus aérés, un peu plus prog, Et donc c'est un morceau qu'on risque d'entendre samedi soir. Normalement, on entendra samedi soir, ouais. Il fait partie de la setlist, bien évidemment. Donc là ce soir, c'est une exclue, puisqu'apparemment ce morceau sera peut-être destiné à être gravé, pas dans la cire, mais dans le... Pourquoi pas? Enfin maintenant c'est plus de la cire, hein. C'est du plastoc. Voilà, oui, du plastoc qui coûte trois fois plus cher, mais c'est plus de la cire. On va peut-être y revenir au rouleau de cire. Ouais, peut-être. On verra. Eh bien, on va découvrir ça tout de suite maintenant. We'll be right back. Premier exclu de la soirée, donc nouveau morceau pour Prisma avec Freedom or War. Ah, c'est ça, exactement. Donc je tiens à signaler, ça a été capté vite fait, bien fait samedi à la répète. Et puis ce matin j'ai fait une petite mise à plat, un petit mix rapidos comme ça. Donc c'était vraiment voilà pour amener un petit peu de neuf. La suite, ça sera sur un vrai album bien mieux mixé et surtout bien mieux masterisé. Voilà. Et ben, ce qui est important maintenant, vu que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la situation sanitaire est quand même moins pire, on va dire, voilà. Ouais. Et qu'on peut reprendre quand même des concerts, des choses, quand même un petit peu respirer enfin. Artistiquement, parce que bon, jusqu'à présent, c'était quand même très limité. C'est ça. Donc, tu nous as concocté une petite soirée samedi, si je comprends bien. Voilà, bon, en fait, ça fait longtemps qu'il y a l'idée avec l'asso, donc vite fait, l'asso Krieg for Zik. Avec des joyeux compères que vous connaissez bien, puisqu'il y a Fred, le bassiste de Prisma, et puis Ben, le batteur. Et donc, on a monté cet asso fin 2019. Retenez bien cette date, elle est très importante pour la suite. Fin 2019, donc création de l'asso. Et puis, de mémoire, la première date, c'était au mois de juin, qui était prévue pour ce fameux Krieg Fest. Et puis bah voilà, Covid de merde est passé par là. Ouais, repoussé en octobre, je crois. Après. Repoussé en octobre, c'est ça, après ouais. Re en avril. Ouais, c'est ça, oui. Voilà, et là c'est la quatrième date. Donc le fameux premier festival qu'on a appelé Krieg Fest, pourquoi pas. Et quand même à la base, à savoir que l'asso, elle est là pour aider à développer, à faire sortir de terre. À donner un petit coup de main avec nos moyens, tous les groupes locaux, parce que bah voilà, il y a des structures qui existent, mais qui nous semblent malheureusement intouchables, parce que soit le style, soit la tronche des gens qui voilà. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai toujours le même débat depuis des années, des années. Bref, donc on a décidé de faire les choses nous-mêmes, et donc location de salle. On choisit les groupes de potes. Donc là pour ce festival, donc qui aura lieu donc samedi 26 à Cléry-Saint-André, c'est dans la salle, ils appellent ça l'espace Loire. C'est une grande salle qui est bien sympa. Ouais, c'est sympa. Ouais. Avec une bonne petite scène. Il y aura donc trois groupes ce soir-là. Il y aura donc Dark Revenges, dont on aura un peu plus de détails tout à l'heure. Il y a donc le groupe de mon pote ici présent, le Squall, le groupe Broken Arms. Ouais, je suis désolé. On t'en veut pas. Hein. Voilà, et puis il y aura donc... Très content de participer à cette première. Ouais, ouais, depuis le temps qu'on attend. Et puis donc, Prisma. On aura donc aussi la chance d'avoir un exposant qui s'appelle Core Backstage, qui est une boutique en ligne, mais qui vient aussi sur pas mal d'événements type hard metal dans la région, qui soutiennent pas mal les événements, et donc à charge de revanche, moi je les ai invités parce que en plus c'est des gens mais adorables, hyper sympas, et donc il y aura une boutique avec un beau petit stand où vous y trouverez les fringues, les bijoux, tout ce que vous avez besoin pour être un vrai metalhead, quoi, sans problème. Voilà, 19h, ouverture des portes. 19h, ouverture des portes, voilà. Voilà. Début des concerts, on aimerait bien 19h30. Il y aura buvette et puis petite restauration, donc sandwich, hein, enfin bon, un peu de chips, le truc de... Comme d'hab, on va dire. Plus liquide que solide, on va dire. Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Hein. Voilà. Tout est prévu. C'est ça. C'est ça. Et puis donc, il y aura un vestiaire gratos pour nos amis motards. Ça peut être sympa pour eux parce que j'aimerais pas moi assister à un concert avec le casque dans un bras, le gros blouson dans l'autre. Donc vestiaire sécurisé gratos. L'entrée est à 10 balles. En tarif normal. Et puis, il y aura donc un tarif réduit parce qu'on a pas mal de potes qui sont en famille et qui écoutent du hard, qui écoutent du métal en famille. Et donc, on a imaginé effectivement les... La phase familiale, on va dire. Voilà, qui vient avec les gamins et tout ça. Donc, 0 à 12 ans, c'est gratos. Voilà, pour le gamin. Il y aura des bouchons d'oreilles à dispo. Et puis de 12 à 17 ans, ce qu'on appelle les ados, il me semble, j'en ai à la maison. Bref, pour eux, ça sera demi-tarif, donc 5 balles, voilà. Franchement, bon, 10 balles, un festival, 3 groupes, en tout, il y a quasiment 4 heures de zik, c'est plus que correct. Voilà, c'est correct, et voilà. Alors, très important, malheureusement, je suis obligé de l'annoncer parce que j'ai pas le choix de l'annoncer. Le pass vaccinal est obligatoire. C'est la loi. C'est la loi. Le problème, c'est que je sais, j'ai encore lu les actualités, aujourd'hui. Peut-être que dans 3 semaines, il n'y en aura plus. Mais je ne peux pas faire autrement. Il faut savoir que la personne qui se fait gauler, qui n'a pas son pass à l'intérieur de la salle, bon, il prend une prune de 100 ou 150 balles, je ne sais plus, 135. Par contre, l'organisateur, c'est 35 000 balles. Oui, donc... Il n'y a pas débat. Voilà, je suis désolé, c'est comme ça. Bon, on se rattrapera. Voilà, les gens qui n'ont pas leur passe à jour, malheureusement... De toute façon, je pense que maintenant, c'est rentré dans les mœurs. C'est pareil pour tout événement, de toute façon. Donc, ouais. On n'a pas le choix. Quoi qu'on en pense, c'est comme ça. Bon, déjà, on est debout, on pourra danser, on pourra s'embrasser si vous voulez. De toute façon, on sera dans le noir, on ne verra personne, donc c'est pas grave. Après, bon, port du masque obligatoire. Voilà, mais si vous êtes tout le temps avec votre gobelet, Alors attention, ça veut pas dire qu'il faut boire que 30 bières dans la soirée. Si. As-tu prévu du camping dans ces cas-là, de quoi? Une cellule de dégrisement pour. Il y a un stade de foot juste à côté. Bon, en ce moment c'est pas top, hein, mais bon, enfin voilà quoi. Il y a tout ce qu'il faut pour passer un super bon moment, je pense. Donc voilà, on espère tous que tout le monde se bouge et puis viennent avec nous faire la fête, quoi, tout simplement, parce que nous, ça fait 2 ans en tant que Zikos, enfin moi en tout cas déjà perso, ça fait plus de 2 ans que j'ai pas mis les pieds sur scène. Je suis pas en train de me trouver des excuses si je fais de la merde, hein, on est bien d'accord. Mais non, personne n'a pensé ça. Mais non, c'est vrai que c'est vachement long, quoi. Donc voilà, quoi. On aimerait bien qu'il y ait pas mal de monde et ça nous donnera un élan supplémentaire pour reproduire cet événement plus tard. Voilà. Tout à fait. Un peu de rock'n'roll maintenant. Ah bah, du PJ. Ouais. On va revenir au live de Nashville Pussy, la sortie en fin d'année Eaten Alive avec un petit machin, un petit truc sympa, Strutting Cock. Vu aussi. Le classique rocker de AC/DC, extrait du non moins indispensable If You Want Blood, You've Got It, unique live de Bon Scott. Bah, en hommage à Bon Scott, qui a disparu et de ça maintenant 42 ans, mais qu'on n'oublie pas, hein, c'est clair. Déjà, il y a qu'à voir les setlists d'AC/DC, il y a toujours presque la moitié du set qui est consacré à son époque. Exact. Rock'n'roll aussi, on peut dire que c'est les fils spirituels d'AC/DC, Sinachil Poussy, bien sûr. Avec son dernier live, là, enfin d'ailleurs le seul qu'ils aient fait vraiment, Eaten Alive, qui est sorti l'année dernière, et c'était Strutting Cock. On va continuer en live, et ça va vous plaire. Je pense surtout à toi, Chris. Là, quand j'ai préparé ça, j'ai préparé ça pour toi d'ailleurs. D'accord. Attends, j'avais juste, vite fait, je t'avais promis, j'ai envie de proposer que les auditeurs et auditrices, pardon, normalement c'est à l'envers, je suis mal poli, bon. Puissent gagner par exemple une entrée gratos au festival samedi. Donc tout à l'heure j'ai présenté un peu l'assaut et donc j'ai bien insisté. Donc hormis les gens qui connaissent l'assaut, qui font partie des groupes qui n'ont pas le droit de répondre, tous les autres évidemment, d'accord, ils compris. Peuvent composer de suite le 02 38 43 48 00, je connais le numéro par cœur. Je vois ça. Et donc appeler notre ami Christophe et donc tout simplement répondre à la question de quand date la création de Cric Forzik. Voilà, bon bah voilà, c'est ce qu'il vous reste à faire, hein, donc... T'avais noté la... Ouais, t'es au courant de la réponse quand même, Christophe. De quoi tu parles? Moi, d'accord. Je ne suis pas habilité à participer au concours. Pas de problème, ça marche, merci. Non, ce qui va suivre, j'ai pensé à toi, parce que ça, je sais que tu es un grand fan de ce groupe. Que tu as vu pas mal de fois et que je pense que tu t'apprêtes à revoir prochainement si toutefois c'est pas annulé. Ah ouais, du MC Hatter. Voilà, tout à fait. Je sais plus combien, le 20. C'est en avril. Ouais. Voilà. On y va tous les deux d'ailleurs. Ouais. Justement, et Dream Theater, à l'époque, maintenant, je trouve que maintenant ils sont vraiment d'une structure routinière. Ils se fatiguent plus tellement en tournée. Mm-hmm. Or qu'à l'époque, il y a maintenant bientôt 20 ans, mais c'est vrai que quand on avait les soirées On Evening With, il y avait toujours des surprises, etc. Ouais. Et puis il y avait Mike Portnoy sur. Voilà, c'est tout ça. Le truc. Et justement à cette époque-là, il y avait aussi un label qui s'appelait It's a Jam Records où Mike Portnoy mettait à disposition des enregistrements inédits et des choses assez intéressantes, puisque Dream Theater, contrairement à d'autres groupes qui font des reprises, eux c'était un album entier. C'est ça, voilà, carrément. C'est souvent qu'un groupe reprend, tiens, on va reprendre un morceau d'un tel, etc. Bon, ça, c'est monnaie courante, tout le monde fait ça. Mais reprendre un album complet, c'est très rare de faire ça. Et ils avaient repris Master of Puppets en 2002, ouais. Et ils avaient repris un album d'Iron Maiden, The Number of the Beast. Ouais. Ils ont pas fait dans la dentelle. Hein. Qu'ils avaient joué à Paris. Tout ouais. À fait, j'étais là, ouais. Moi, j'y étais, à la mutualité. Oh, bah alors. Ouais, oui. De toute façon, on a bu des bières ensemble. Ça se trouve, on a bu des bières ensemble. Et il est sorti, donc, sur c'est le concert de Paris, d'ailleurs, Mike Portnoy avait choisi, parce que il a interprété trois fois en tout, le Number of the Beast. À Londres, trois jours avant le concert de Paris. Bon, enfin, il y avait pas beaucoup de surprises, que tout le monde le savait, qu'ils allaient jouer ça. Seulement tout le monde se demandait comment ça allait sonner, c'est surtout ça. Oui. Il avait rejoué à Athènes, et je crois qu'il l'a rejoué une fois en 2004, et puis plus rien. Et curieusement, il y a une version très curieuse, parce que de cet album, il y a presque que du tout bon, sauf un morceau que je trouve vraiment dispensable sur l'album, mais que Dream Theater a retravaillé dans une version très particulière, c'est le morceau Gangland. Donc je vous invite à découvrir, vous la connaissez peut-être, vous, Chris et le Squall, mes auditeurs ne connaissent peut-être pas cette version-là, qui est quand même très particulière. Vous aurez reconnu The Trooper, mais vous êtes en train de vous dire, c'est quoi ce groupe? Bon, la voix, on a reconnu, ça ressemble à... C'était bien Bruce Dickinson, mais le groupe, c'était quoi? Bah, c'était évidemment Dream Theater, et aussi... J'ai reconnu le clavier. Et ça, c'était extrait donc d'un concert qui s'appelle tout simplement Los Angeles, 18 mai 98, un des official bootlegs que Mike Portnoy avait sorti à l'époque de Hits & Jam. D'ailleurs, les official bootlegs ressortent maintenant depuis le mois de juin, puisque tous les mois, il y a des sorties. Juin et juillet, c'était des trucs inédits, des concerts récents, 2017 et 2011. Mais depuis, c'est que ce n'est plus ni moins que la réédition du back catalogue. Mais je trouve avec des pochettes un peu cheap et, Et voilà. Mais bon, ça permet à tous ceux qui n'avaient pas eu ces disques qui sont maintenant des collecteurs. Et qui n'étaient pas membres du fan club. Non, ça fait pas, c'était pas le fan club, ça. Ah bon? Non. Ah, parce que j'en ai eu un ou deux des bootlegs. Non, c'était pas des bootlegs, c'était des trucs exprès pour le fan club. Ah, oui, mais ça, c'était sur le site du Hits & Jam ou sur les concerts. D'accord. Tout simplement. On peut trouver donc cette chose-là. Donc cette belle version de The Trooper en 98. Et juste avant, une version très surprenante de Gangland qu'on trouvait donc pendant l'interprétation de Number of the Beast. Pour être surprenant, c'est surprenant. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bah tiens, le Squall, tu vas parler un peu maintenant. Ah bon? Ouais. Bon. Parce qu'il paraît que tu joues samedi soir. Il paraît, oui. Et puis depuis la dernière fois que tu étais venu pour parler du groupe, il s'est passé beaucoup de choses, je crois. Oula, oui, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Ça a failli même... ça a splitté, en fait. Oui, c'est ce qui me semblait, c'est pour ça que je pensais que je disais que tu faisais partie des deux choses qu'on appelle juste... J'en ai eu, en fait, marre à un moment, et puis voilà, donc j'arrête, mais voilà. Et puis bon, ça me manque tellement, ce genre de musique. J'ai dit, bon, allez, j'essaye de passer une annonce pour trouver des nouveaux musiciens, en fait. Et puis et j'ai trouvé tout de suite en fait en même pas un mois de temps un guitariste, un chanteur, un batteur qui convenait. Et puis mon bassiste d'origine est revenu en fait dans le groupe, Fab. Donc bah voilà, super content. Donc on s'est mis à composer. Alors au début on savait pas trop ce qu'on pouvait faire, hein, parce que bon, il y a des gens qui écoutent du métal dans le groupe, d'autres moins. Et puis, bon, on s'est mis à composer comme ça, chacun ses idées, et on a pondu un premier morceau qui s'appelle À sa voix. Donc, le premier titre enregistré chez Chris l'année dernière, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois, je ne sais plus, oui. Ouais, c'est ça, ça fait déjà. En été. Ouais. C'est en été, ouais. Et mixé par mon frère Jérôme. Donc voilà, donc je pense que tu vas mettre ce morceau-là. Tout à fait. On peut le dire maintenant. On avait déjà prévu ça. Donc bah vite fait les musiciens David à la guitare, Michel batterie, Fab basse, Croix au chant. Donc c'est du chant français. Donc à vous de trouver ce qu'il dit dans le chant. Hein, moi je peux pas vous expliquer comme ça. Il est dans son univers. Hein, y a pas de problème. Et puis bah moi la guitare solo et rythmique. Voilà. Ce sera votre baptême du feu samedi. Ça sera vraiment le baptême du feu, oui, tout à fait. Bah, comme nous, hein. Comme nous. Avec cette formation, mais tu as déjà. Ah oui, mais le Squall aussi. Oui, mais avec cette nouvelle formation, je veux dire, c'est vraiment. Ah oui, avec la nouvelle formation, c'est vraiment le baptême du feu samedi. Mmh. Ça, c'est voilà. Donc, on aura 12 morceaux, que de la compo, donc assez varié. Très assez varié, oui, assez varié, on va dire ça. Donc après, les gens... Et ben on va découvrir tout de suite ce nouveau titre. Donc ce titre, à savoir, ça c'est une compo que j'ai faite. Donc dans le style, on va me reconnaître tout de suite. Hein. Voilà, quoi. Donc je laisse les gens juger par eux-mêmes. Voilà, quoi. Voilà, et puis on a déjà attaqué la deuxième heure. Hein. Je vous rappelle que êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, Electric Shock, c'est entre 19h et 21h le mardi soir. Il est déjà 20h01 déjà, le temps passe très très vite. Et puis je vous rappelle que si vous voulez gagner donc une invite, le téléphone 02 38 43 48 00. Quand est-ce qu'a été créée l'association Cric Music? Cric Forzik, c'est Cric Forzik. Exactement. En attendant, découvrons ce nouveau morceau de Broken Arms, à savoir... Bon, le squall, tu as travaillé un peu, c'était quoi? Va savoir. Va savoir, ouais. Elle est bonne, celle-là. Eh, c'est le rock'n'roll quand même, j'adore. Sans déconner, ça a de la burne, vos titres. C'est... Bah, t'as pas écouté le reste, hein. Il y a des choses plus calmes. Non, mais les titres que j'ai eu le plaisir de mettre en boîte, enfin, faire la captation, voilà, très rock'n'roll. Je lui disais, ça me fait penser à du Trust. Oui, enfin. J'ai l'impression que votre précédent répertoire était plus heavy metal quand même. Oui, oui, oui, c'est vrai. Mais là, il y aura des surprises quand même. Ouais, il y a quand même de la double hein, sur certains morceaux. La double quoi? Double Michel. La double Michel. Fais gaffe, parce que Jackie est pas loin. Pas loin. Bon, pardon. C'est entre nous. Désolé. On continue rock'n'roll avec un petit groupe qui s'appelle That Simple, que je vous ai présenté la semaine dernière. Un groupe particulier avec deux saxos et bien rock'n'roll, des trucs sympas quand même. Cet album s'appelle c'est Bad Monkey Can Get Out. The flowers in the field don't say nothing. Expect the street from the window. My body lies on the sofa. My feet are heavy, my arms are tired. Can't touch the smoothness of your skin. Don't say nothing. Expect the street from the window. Don't know why I'm so frustrated. Don't know why. Don't know why I'm so frustrated. rock and roll, yeah. C'était les Danois de Volbeat avec un extrait de Servant of the Mind, qui est leur dernier album sorti début décembre, qui est vraiment une merveille. Album un peu plus heavy que d'habitude. Bon, si vous avez, connaissez pas, vous avez entendu juste ce morceau. Non, il n'est pas représentatif du reste, c'est clair. Juste avant That Simple, le groupe bien français, bien chez nous, Ban Manke, c'est leur nouvel opus, et c'était le morceau Can Go Out. Ça va les gars ? Super. Très bien. Nous, on est nickel. On est bien. On est assis. Ouais. On est bien installé. Tout va bien. Un peu de trash metal maintenant. Bon bah moi je vais y aller. Avec le... Non. Dédicace pour David, mon guitariste. C'est un fou de trash metal. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, ça va lui plaire après. Ouais. Le groupe Dead Tree Seeds que je vous ai présenté la semaine dernière, groupe de trash de la région parisienne, qui vient de sortir un petit EP qui consiste à un nouveau titre et des réenregistrements de leur précédent album qui datait de 2013 quand même, parce que c'est un groupe qui date un petit peu. Et ben ça, c'est pour tous les fans de Testament, Exodus, ce genre de choses. Ben voilà. Voilà. Donc le morceau qui va suivre maintenant, qui va bien vous décrasser les oreilles. D'ailleurs, l'émission qui décrasse les oreilles, c'est quoi? C'est Electric Shock, tous les mardis soirs sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Donc, Set the Fire. We believe the best we put on time around this shit. tout à l'heure, on a été faire un tour en Australie avec AC/DC. Ben là, nous revoilà revenus donc de l'autre bout du monde, au pays des kangourous, avec le groupe Mortal Sin. Et là, c'était Blood of My Enemies, un extrait de leur album Psychology of Death, sorti en 2011. Bon trash, peut-être pas original, mais bien efficace. Bon trash. Ouais. Juste avant tes commentaires, on s'en passe, et oh, l'autostrogo, là. Juste avant Mortal Sin, de groupe de la région parisienne Dead Twisted et leur EP Back to the Seeds, c'était le morceau Set the Fire. Si tu me permets, en parlant de bon trash, un petit coucou à David. Il s'entend. Oui, hein, il m'a répondu. Vu le message qu'il a laissé. Non, j'aime pas trop David, je suis désolé. Tout à l'heure, on a parlé donc du concert que Chris prépare donc samedi soir. On a parlé donc des Broken Arms, on a parlé de Prisma. Et à troisième larron, dont on a oublié de parler pour l'instant, qui n'est pas présent physiquement, mais que nous allons prendre à l'antenne à l'instant, puisqu'il y a un troisième groupe qui s'appelle Dark Revenges, si mes souvenirs sont bons, c'est ça ? C'est ça. Qui sera. Alors, que je regarde la manip, parce qu'à chaque fois... Il va y arriver, c'est du direct live, c'est normal. Coupé. C'est comme ça. T'inquiète pas, Pat, on est toujours là, on t'entend pas encore, mais... Ça va bien, bon. Allô ? Oui. Eh ben voilà. Bonsoir Patre, bonsoir à nouveau. Salut. Ravi de donc d'être en contact avec toi. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai les deux joyeux Dries, j'ai le Squall et Chris qui sont en face de moi. Coucou Pat. Bonjour. Salut Pat. Salut. Donc tu vas venir jouer donc si je comprends bien samedi soir au Creek Festival de Cléry. Salut, je les entends derrière parce que j'ai un doublon entre le téléphone et la radio en fait. Faut qu'elle garde que le téléphone là, sinon. Il faut que je coupe la radio. Ouais, okay. Ouais, il y a trop de décalage. Il y a un doublon entre le téléphone. Ah bah, ah oui. Je vais couper la radio. Ok, voilà, donc là j'entends, j'ai que le téléphone. Parce que sinon mieux. J'avais tout en décalé en fait. C'est mieux, là tu nous entends. Ouais. Impeccable en live. Nickel. Tout va bien. Donc on disait coucou Pat. Ouais, coucou. Hello, salut les gars. Voilà. Alors moi j'ai une petite question à poser, parce que j'imagine que beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas Dark Revenges, alors parce que tu peux nous raconter un petit peu brièvement l'histoire du groupe, puis quel est votre style. On a fondé le groupe en 2017 avec la famille Guadagnino, c'est les Blasphèmes, je ne sais pas si vous connaissez ce groupe des années 80 qui chantait en français. Et en fait, lui, le bassiste qui a composé... les morceaux voulaient un chanteur parce que son fils est batteur, son autre fils est guitariste, lui étant bassiste, voilà, il recherchait un chanteur et puis ben il s'avère que c'est tombé sur moi tout à fait par hasard. Voilà, je connaissais Blasphème depuis des années, je discutais avec Phil et puis il m'a dit tu fais quoi ? Ben, je suis chanteuse, ah ben on voit des liens, voilà, ça s'est fait vraiment tout bêtement en fait. Et on a enregistré l'album en 2017 dans la foulée. Sauf qu'il m'a dit, bah après, c'est ton bébé, tu cherches des musicos, parce que moi j'ai Blasphème, mes fils ils ont leur groupe, et voilà. Donc du coup, il a fallu trouver des musiciens, ce qui n'a pas été simple, comme vous pouvez vous en douter. Tout le monde sait que c'est la galère pour trouver des gens qui aiment la même musique que toi, avec qui tu t'entends bien, etc. etc. Surtout. Voilà, donc ça a été la galère pour trouver guitariste, batteur, bassiste. On a changé pas mal de line-up et puis on a commencé à tourner, voilà, tout simplement. Et puis au départ c'était les compos, après on s'est dit on fait des covers en plus pour jouer un petit peu plus partout, ce qui fait que ça nous permet de faire des scènes de fest où on va faire plutôt les compos et des petits pubs, des bars, des trucs un petit peu différents où on met compo, reprise, où on fait les deux. Voilà, et du coup, maintenant, on tourne pas mal. On a trouvé une structure assez sympa, on s'entend tous bien. Mais on tourne encore avec divers musiciens. Dark, c'est un peu particulier parce que on a deux bassistes, on a deux gratteux, maintenant on a deux batteurs. Et on tourne à chaque fois avec des musicos différents parce que comme il y a beaucoup de dates et que tout le monde a forcément un travail, une vie de famille, etc., etc. Donc du coup, les musiciens, ils ont dit « Ok, mais là, il y a trop de dates. » Voilà. Mais il n'y a pas de deux pattes. Pardon ? Il n'y a qu'une seule patte, par contre. Oui, la seule et l'unique. Parce que moi, je suis intermittente, donc j'arrive un peu plus on va dire, à faire toutes les dates, mais c'est vrai que pour eux qui ont un boulot à côté, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Donc, tu as d'autres projets musicaux, autres que Dark Revenges? Ah oui, je chante dans les maisons de retraite, je fais des mariages, je suis vraiment que dans le spectacle. Donc après, j'ai le groupe, c'est vraiment ma passion, Dark Revenges. Et après, je vais chanter dans des soirées où là, ça n'a rien à voir avec le métal. Voilà. Et là, c'est mon boulot, on va dire. Enfin, c'est comme agréable de vivre de sa passion, non? C'est ça, tout à fait. Non, mais je me plains pas du tout parce que j'adore chanter et ça m'a ouvert aussi sur d'autres horizons. Moi qui étais sectaire, métalleuse et tout, ça m'a permis de découvrir d'autres choses et de prendre aussi du plaisir à chanter des choses différentes. Voilà. Du coup, ça a influencé certainement ta nouvelle façon de chanter aussi, de revoir peut-être ta copie à ce niveau-là. Je sais pas. Après, moi, je me rends pas trop compte. Je pense que quand je fais du métal, je suis à fond dedans et j'ai pas trop. Après, c'est pareil. Quand je chante autre chose, c'est que des reprises aussi. Donc, c'est pas comme si je composais sur de la variété ou ce genre de choses. Pas du tout. C'est vraiment des choses connues. Des grands classiques que je chante ailleurs, donc je pense pas trop que ça m'influence par rapport à ma compo et à Dark, quoi. Justement, tu parlais de métal, mais quel genre de métal? Est-ce que c'est du thrash, du heavy ou plutôt du hard rock? Non, nous on fait plutôt du hard rock heavy. On est plutôt old school, nous 80, on aime bien, on n'est pas trop branché nouvelle vague, stoner, tout ça, c'est pas trop notre truc. Nous, c'est vraiment plus les années 80. On adore les groupes comme Twisted, Accept, Asdeath, Maiden. Halloween, enfin vraiment les web, ouais, on est vraiment old school, quoi. Et d'ailleurs, il y avait un gars qui nous avait fait une chronique sur l'album, et c'est ce qu'il avait mis. Il avait mis, c'est vraiment old school. Si vous allez retrouver en écoutant Dark, des choses un petit peu du il y a 20 ans, 30 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que tu parles du stoner, on dit comme une nouvelle musique. En fait, le stoner, c'est que du rock des années 70, hein. Ouais, mais c'est vrai que maintenant c'est devenu moi quand je démarche des fois dans des festivals de métal, on demande plus des groupes de stoner, des groupes de death, des groupes de thrash, des groupes de avec des noms, je pourrais même pas te dire black metal et tout. Et nous on fait trop vieillot pour ces scènes-là, si tu veux, tu vois. Et pourtant en ce moment il y a vraiment un revival du heavy des années 80 quand même. Tant mieux. Ça revient. Tant mieux, parce que c'est vrai que moi j'ai entendu beaucoup quand je démarchais. Je te dis, non, c'est un peu sans vexer, Pat, c'est un peu trop vieillot, c'est un peu trop old school. Voilà, c'est un petit peu les choses que j'entendais. Voilà. Donc là, c'est cool. Ça me fait plaisir de faire un fest où il va y avoir des groupes de hard rock heavy vraiment dans ce que nous on aime. C'est ça, exactement. Puis nous, c'est un peu aussi un retour aux années 80, hard US à l'avant haleine et tout ça avec Prisma. Oui, c'est et ça. Puis le squal entre le trust. Non, ça va être que du bon. C'est sûr. Ça promet. Donc vous avez déjà donc un album sous la besace, si je comprends bien. Donc il y en a peut-être un deuxième en préparation, non? Il y avait un 4 titres là, mais ça a été compliqué avec un musicien qui a composé, qui n'est plus dans le groupe, donc il n'a pas voulu qu'on sorte, qu'on le sorte forcément. Donc on refait là avec les nouveaux musiciens, et oui, et derrière là on va composer, on va continuer à composer sur des nouveaux titres avec les nouveaux, voilà. Et ce sera un album qui vous sortira en autoprod ou vous avez l'intention de trouver un label? Pour l'instant, on n'a pas encore eu la chance d'avoir quelqu'un qui veut nous signer. Donc si d'ici là c'est toujours pareil, on fera comme avec le Dark, on l'a sorti en autoprod aussi et on fera probablement pareil, hein, sauf s'il y a des choses qui évoluent, on verra bien. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Mais c'est gentil, merci. Et vous êtes entré comment en contact avec Chris? Vous connaissez peut-être depuis longtemps, non? Non, en fait, il était venu nous voir avec Pascal sur une scène qu'on a fait. Ça s'appelait pas le Drop Pick, c'était le Blood Devils. Ouais, Et puis on a une amie commune. C'est comme ça que je les ai rencontrés la première fois. Et puis bah après j'ai recontacté Christophe parce qu'on était en panne de gratteux pour des dates. Exact, oui, et il m'a dit désolé, ça aurait été grand plaisir, mais je peux pas et tout. Mais ça me fait bien plaisir que tu m'appelles, voilà. Et puis ça, c'est parti de là après. Exact. Et puis on a une amie commune. Letty. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, on lui fait un petit coucou. C'est elle qui m'avait donné, Letty, les contacts de le téléphone, parce que c'est vrai que c'est toujours mieux de s'appeler, surtout que là, je voulais lui expliquer par rapport aux dates et tout, voilà, si ça le branchait. Ouais. Et elle m'a donné son contact. Elle m'a dit, bah, tu vas vers lui, il est cool, tu verras, même s'il peut pas, il t'accueillera bien, etc., etc. Voilà. Exactement. Enfin, parce qu'elle me fait toujours marrer. C'est qu'en fait, on a toujours quelqu'un qu'on connait de quelqu'un. On a toujours un ami en commun, quelque soit. Quand on discute avec quelqu'un, on dit tiens, je connais machin. Ah, bah, moi aussi. Vous avez vu au Blue Devils. Ah, oui, exact. Et tout. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai que le monde des musiciens, c'est hallucinant quand même. Exactement. Ah, le monde du rock et du métal, en fait, j'ai l'impression que c'est, une petite mare où tout le monde se connaît quelque part. C'est ça. Tu sais où situent les gens et tout ça, ce qu'ils aiment, comment ils jouent, et puis comment ça pulse surtout. Et moi, j'avais pris une claque dans ma gueule, parce que je me rappelle que, voilà, il y avait bourré d'énergie. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pensé à Dark Revenges. C'est gentil, voilà. Et puis c'est bien aussi que les groupes s'encouragent, parce qu'il y a beaucoup vous avez dû connaître ça aussi avec vos groupes, Chris, des mecs qui se tirent dans les pattes ou qui se jalousent, ou le monde des musiciens, c'est pas toujours facile. C'est ça, puis nous on essaie d'être dans la bienveillance. Chaque fois qu'on joue avec d'autres groupes, avec Dark, on est les premiers à dire on prête le matos, ou à s'arranger, ou à faire la bouffe pour tout le monde, ou tu vois, moi j'aime bien cet état d'esprit vraiment de partage, mais c'est pas toujours facile. J'ai fait des scènes avec des musiciens qui étaient vraiment très fermés et pas du tout dans l'altruisme ou dans la bienveillance, et c'est pas toujours facile, même quand t'aimes la musique, quand tu dois partager des scènes avec des musiciens comme ça, et là je me dis il y a un groupe de créés, tout le monde va être dans la bienveillance, dans le partage et tout, et ça va être bien cool. C'est exactement ça, ouais. Mais de toute façon, sinon on n'y arriverait pas. On sait d'où on vient, on sait ce que l'on veut. C'est ça. Voilà, pas de prise de tête. Moi ce que je me dis, c'est que voilà, nous on est amateurs, c'est une passion. Mais c'est ça. On a un travail, bon voilà. Voilà. Qui est nourricier, après le reste c'est que du bonheur, quoi. Donc, c'est ça. La musique, c'est fait pour être vécu et prendre son pied, et pas pour se prendre la tête et être dégoûté ou voilà. Donc bon, après c'est vrai que quand t'es Zikos, bah forcément ta vie personnelle elle évolue, voilà. Il y a une famille qui se crée, il y a un boulot qu'il n'y a plus, donc t'as besoin de plus de thunes, enfin bon voilà, tout ça, ça bouge. Mais on pense pas que c'est ça. Puis il y a l'âge aussi, excuse-moi, Patin, mais. On vieillit, on s'assagit. Voilà, quand t'es jeune Zikos, forcément, t'acceptes beaucoup de choses parce que tu te dis, voilà. Et puis, après, un peu moins, quoi. Et puis les jeunes. Il y a des choses qu'on veut plus faire, Puis des fois, il y a des jeunes qui sont difficiles à bouger, qui comprennent pas trop que si tout le monde met pas la main à la pâte, ça peut pas avancer, quoi. Voilà, tout simplement. Ah oui, il faut être sur la même longueur d'onde, sinon exactement. Après, si on a un qui veut faire des concerts, l'autre qui veut pas, ou l'autre qui veut tourner, l'autre qui veut enregistrer un album, et l'autre qui dit non, moi j'aime que... C'est ça. J'ai toujours comparé un groupe à un couple, on fait avec les défauts, les qualités de tout le monde, il faut concilier les choses pour que tout se passe bien. Je comprends pourquoi j'ai fait plusieurs groupes, alors. J'ai divorcé trois fois, moi. Et puis les musiciens bougent. Après, des fois, on s'est super bien entendu, même quand on est des potes. Il y en a qui partent, c'est pas parce que on s'entend plus, c'est parce que après on a envie d'autre chose. Comme tu dis, les musiciens, on évolue aussi dans nos goûts. Et moi, je me suis retrouvée avec des musiciens qui, après, avaient envie d'évoluer vers des trucs complètement différents. Donc, c'est normal. L'évolution, ça fait partie de la vie, C'est ça. Donc, en tout cas, on découvrira donc Dark Revenges samedi soir à Cléry, alors. Exactement, à partir. Donc, tiens, j'en profite, hein, pendant que le micro est ouvert. Donc, je rappelle, le Creek Fest, c'est donc samedi, qui arrive, samedi 26. Ouverture des portes à 19h, c'est à l'Espace Loire. En fait, à Cléry-Saint-André, on est à quoi? Allez, même pas 20 bandes d'Orléans, en direction de Blois. Vous avez une jolie basilique d'ailleurs après, si vous voulez rester dans le coin la nuit ou la visiter voilà, à l'extérieur. Bon, ça sera fermé, mais bon. Bon, bref, ouverture des portes 19h, début des concerts, ouais, aux alentours de 19h30, voilà. Et puis, les trois groupes qu'on vient de citer, exactement. Eh bien, merci à toi, Pat. D'ailleurs, justement, on va passer un titre de Dark Revenges pour permettre aux auditeurs de découvrir. Okay. Eh ben, on pourrait commencer par Film Music, par exemple. Ouais, pas de problème, ça marche. Allons-y. Eh ben, merci à toi. Et donc, si vous voulez découvrir Dark Revenges, vous savez ce qu'il vous reste à faire, chers auditeurs. Samedi soir, à Cléry. Exact. À samedi, Pat. Salut, Pat. Salut à toi. Merci. Bonne soirée. Bye bye. Ciao. Et donc, ben, je vous invite à découvrir tout de suite maintenant Dark Revenges. c'était donc Dark Revenges, dont on a pu discuter un petit peu avec la très sympathique Pat, la chanteuse. Donc, groupe qu'on découvrira donc samedi soir à Cléry-Saint-André, lors du Creekfest, c'est ça? Creekfest. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Est-ce que vous êtes prêts pour un peu de trash déjanté? Bah, David, s'il nous écoute encore. Tu veux vraiment me convertir? Il va adorer, c'est calme. Tu n'y arriveras pas. Parce que bon, je vous ai prévu comme une nouveauté ce soir, une seule. C'est le dernier Voivode. Moi, c'est un groupe que j'adore. Voivode. C'est vraiment un groupe inclassable, difficile à dire de qu'est-ce que c'est. Si c'est du trash, c'est de l'indus, c'est du prog. C'est vraiment. On pense vraiment à beaucoup de choses qu'en écoutant Voivode, parce que tout se mélange, mais je trouve que c'est vraiment très très bien. Je trouve que c'est un groupe qui se bonifie vraiment en vieillissant, quoi. Ah, bah ça promet pour moi. Même si j'aimais les tout premiers albums, War and Pain et Roar, ça restait quand même du lourd. Donc ce nouvel album qui est sorti, je crois, il y a 15 jours à peu près, s'appelle Synchro Anarchy. Et on va découvrir un petit morceau qui s'appelle Mind Clock. Yeah. si délicieusement barré les Canadiens de Voivode avec un extrait de leur dernier album Synchro Anarchy, c'était Mind Clock, et c'était donc la seule nouveauté de la soirée. Mais enfin bon, ce soir c'était pas le plus important. Le plus important ce soir c'était les invités, puisque on parlait donc du Creek Fest. Du Creek Fest. D'ailleurs, personne pour l'instant n'a appelé au 02 38 43 48 00. Ah, on l'a peut-être pas dit assez de fois aussi. Donc, ou ils n'ont pas la réponse. Donc, T'es bien. Le premier ou la première qu'appelle dans ces cas-là? Oui, il leur reste une bonne dizaine de minutes. Une bonne dizaine de minutes, parce que je pense qu'on va faire un petit peu de rap ce soir. Oui. Donc, voilà, c'est vraiment pas compliqué hein, ce soir. Il suffit d'appeler et de dire que vous adorez Electric Shock. Et Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Et ce sera parfait. Et Cric Forzy. Voilà, dans la foulée. Et le Squall. Non, tu ne pourras pas. Il est modeste. Bah, tiens, justement, le Squall, on va passer au deuxième morceau de Broken Arms. Mm-hmm. Alors, le deuxième s'appelle L'Horizon. Donc, bien joué. Que j'ai réalisé deux clips fait maison sur notre page Broken Arms. Donc, ils sont visibles. Donc, voilà. Donc le deuxième morceau, L'Horizon, pareil, enregistré par Chris et mixé par mon frangin, Jérôme. Donc on va dire que c'est presque en famille qui cote. Oui, on va dire ça pour l'instant, oui c'est ça. On n'a pas de lien de parenté tous les deux? Non, mais... pas pour l'instant encore. Si, des liens de cordes, de six cordistes. Voilà. Hein, c'est ça. Donc c'est vraiment la même famille. Donc un petit extrait donc, de ce morceau qui sera certainement joué samedi soir. Ah, complètement. Donc voilà, un petit avant-goût. Il n'a pas l'air, mais c'est qu'il est loin d'être mauvais, le squall, mine de rien. On s'est bien marré. Bon, c'était quoi, là? Qu'est-ce qu'on a eu comme morceau? L'horizon. Ce morceau, voilà, l'horizon. Voilà, donc c'est une de vos dernières compos, j'imagine. Tout à fait, ouais. Voilà. Voilà. Donc, je vous rappelle que samedi soir, eh bien, si vous savez pas quoi faire, même si vous devez, vous avez envie d'écouter du métal, voir de la musique live, allez à Cléry-Saint-André. Venir soutenir les groupes. Fest, voilà. Dont Broken Arms, que vous venez d'entendre à l'instant. Et également Dark Revenges, dont on a eu la chance de pouvoir discuter un petit peu tout à l'heure avec Pat, la chanteuse. On va faire un petit morceau aussi de Dark Revenges, hein, bien sûr, à tous ces groupes. Pas de problème. C'est le morceau Live or Die. C'est pas. Yeah. Un petit commentaire peut-être, parce que vous êtes plus familier que moi avec la musique de Dark Revenges, non? Bah écoute, moi je les ai découverts quand Pat m'a envoyé le titre, parce que le live que j'avais vu, je m'en rappelais pas de tous les titres, mais franchement, ouais, pareil, je te dis, ouais. C'est bourré d'énergie, moi j'aime bien. Et puis en plus je kiffe le gratteux, mais bon. Ah oui, dis-moi, oui. Il envoie du bois. Voilà. Allez, on s'envoie ça et je vous rappelle 02 38 43 48 00 si vous voulez gagner une invite pour ce concert. C'est ça. Voilà. Donc voilà, c'est parti. Die, donc Dark Revenges, qu'on aura la chance de voir à Cléry-Saint-André samedi soir en compagnie de Broken Arms et de Prisma. Donc merci à vous les gars d'être là ce soir. Eh ben, pas de problème, merci à toi surtout. Surtout. Il est déjà 21h03 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. On va encore se faire un petit morceau. Et ben, si Christophe, quelque chose à rajouter peut-être ? Quand même remercier. Tous les bénévoles qui ont répondu présents pour être dispo donc tout ce week-end, parce que c'est pas que le samedi, hein, y a du boulot en amont. Et après. Ça commence le vendredi et ça finit le lundi. Donc voilà, ceux qui sont à l'écoute, merci aux bénévoles. Et puis aussi un grand merci aux partenaires, parce que tout ça occasionne des frais. Et on peut pas compter que sur les entrées, puisque on est incapable de savoir à l'avance quelle sera la jauge. Donc un grand merci aux partenaires. Donc le dernier morceau de la soirée, bien sûr, ça va être un extrait donc de ton EP. Hein. Oui. Non, mais c'est Chris qui fait du bruit. Hein. Désolé. Il est en train de répandre sa peste un peu partout là. C'est ça. Merci pour mon t-shirt. Il est moucheté d'ailleurs. T'as une petite lingette pour l'écran là, parce qu'on est mal. Oui, on fera du nettoyage après. Oui, bien sûr. Donc dernier morceau de la soirée. De mémoire, c'est Give Me a Body. Voilà. Donc de ton EP qui est sorti donc d'ADN. Voilà. Et puis on aimerait que vous soyez toutes et tous présents en nombre. Samedi, ça nous ferait vraiment plaisir. Et puis en tout cas, sachez que nous, on va prendre notre pied quoi qu'il arrive, parce que ça fait trop longtemps qu'on attend. Et puis vous avez écouté quand même le style des différents groupes. Il y a de l'énergie, il y a du rock and roll, il y a tout ce qu'on aime. Donc faut se faire plaisir, faut venir, voilà, tout simplement. Allez, il vous reste encore donc 5 minutes pour rafler une invite. 02 38 43 48 00. C'est le temps du morceau de Prisma. Body, you're my life. Give me your body. I got me too. Coming to my life. Give me your body. Donc de Prisma. Oui, voilà. Tout à fait. Mais je te donnerai pas mon corps quand même. Non, mais j'en veux pas. Hein. Je te rassure, tu risques rien. Je t'en veux pas. Hein. Ouais, ouais. Voilà, donc extrait du EP ADN. C'est donc le dernier morceau de la soirée. Merci les gars d'être venus. Bah merci à toi. Merci à Radio Arc-en-Ciel. Et puis pour le coup de main, pour de rien, pour le soutien. Donc, on rappelle que donc samedi soir à Cléry-Saint-André, à l'Espace Loire, il y a donc concert le Creekfest avec Dark Revenges, Broken Arms et Prisma. Voilà, exact. Tout ça pour 10 euros à partir de 19h. Voilà. Exact. T'as tout dit. Voilà. Et je pense qu'on peut savoir les infos sur les réseaux sociaux, sur peut-être la page Creek for Zik, la page Prisma, la page Broken Arms. Ouais. Il y a plein de pages. Et la page de Dark Revenges. Eh bien, merci à vous encore les gars d'être venus. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, ouais. Merci à toi. Merci aux auditeurs. Voilà. J'espère vous retrouver donc la semaine prochaine pour de nouvelles aventures où j'aurai des nouveautés à vous proposer un petit peu plus. Mais ce soir, vous avez bien compris, c'était quand même un peu exceptionnel et c'est normal. Allez, ciao à tous. Bye bye. Portez-vous bien. Écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, bien évidemment. Et à samedi. Salut. Bye bye. Os corvos podem não ficar por aqui. Estas sanções já são poderosas. As mais impactantes delas, na minha opinião, são as sanções financeiras, visto que nós vamos interditar qualquer financiamento a partir do Estado, do espaço europeu, do Estado russo, incluindo do Banco Central Russo. Mas se a Rússia persistir neste comportamento hostil, agressivo, tão claramente violador das regras mais básicas da ordem internacional, naturalmente teremos que responder com mais sanções. Nestas declarações registadas pela RTP3, o ministro português insistiu na ideia de que a situação é muito preocupante e que é preciso garantir o ambiente de segurança que ao longo dos anos foi construído na Europa. Os castigos económicos e financeiros aprovados hoje pelos ministros dos negócios estrangeiros dos 27 em Paris abrangem todas as pessoas envolvidas na decisão de reconhecer a independência das regiões separatistas da Ucrânia. abrangem também os bancos que estão a financiar as operações militares russas e Bruxelas quer limitar o acesso de Moscovo aos mercados financeiros europeus. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, garante que estas medidas vão mesmo ferir a Rússia. In front of this situation, today, Europeans... Em face desta situação, hoje os europeus, com uma resposta rápida, 24 horas de intenso trabalho, mostramos a nossa determinação de responder de forma robusta aos últimos eventos. Alcançámos um acordo entre os 27 Estados-membros, um acordo unânime, para adotar um pacote de sanções que vai atingir a Rússia e vai atingir de forma dura. E fazemos isto em total coordenação com os nossos parceiros, Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. In a strong coordination with our partners, US, UK and Canada. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, durante uma conferência de imprensa em Paris, já depois do encontro dos ministros dos negócios estrangeiros dos Estados-membros em Bruxelas, pouco depois, a presidente da Comissão Europeia garantia que a União está preparada para avançar com novas medidas caso a Rússia dê novos passos no sentido de agravar este conflito. Termina aqui esta edição com Nuno Rodrigues. Simultâneo RDP Internacional, Antena 1, Madeira e Açores. Informação.